Maïkia, a.k.a. la femme au Maïkia, sur une prod de DJ Sec, a.k.a. que sais-je quand le cœur a ses raisons. Agapé Production. La rose noire est le symbole de ma plume. La rose noire s'intole de l'amertume. Rebelle, dotée d'un sacré caractère. Elle peut être ta sœur, ta femme ou ta mère. Lady from the block, cliché mon vermeil, matricule 370 pour les APL. No drug, no shit, alcoolisé, all tracks, ex. Encore des morts habillés de bête, non. Mon rap n'est pas à vendre, mon silence ne sachait. Qu'à mon jugement dernier aurais-je assez de haine. Je dérespecte moi impoli, hey. Assassin de la police. Attention à toi, gaffe et gaffe baby. Si tu ne te protèges pas, mon cœur aussi baigne. La rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh, la rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh, terni par la bêtise humaine. Wallah, terni, la connerie prend les rênes. Check ta langue de, fais passer le message. Les couilles est un para, chut, t'en as pas, tu t'écrases. No dab, ghetto, mentalité, hit cause. Un mélange entre Biggie Smalls ou Pay Pose. Pas assez les ou docile. Les moutons chez moi se criquent à domicile. Tel un diamant noir, si vérité en est. Pour réussir et garder ses jambes, bitch moi. Faut croire que l'argent ne fait pas le bonheur mais cambre la jambe. Corrige-moi donc que j'fuck le round. Porte à toast à toi, baby boy. Garde ton fric, ça ne blanchit pas mon amour propre. Y'a faux et les pauvres, négro. L'apparence sous les tours, même au roi de la pop. Oh, la rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh, la rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Fatale, une tête brûlée, number one. Hurle d'instinct sans issue de secours. Dame, du boulevard Auriol à ce grand bedotte. De l'amour à la haine, reste à condamner une porte. Une lady die dans le fin fond des bois. Issue d'un quartier populaire du 9-3 Clichy Montfermeil. Enfant de la diaspora, l'Afrique de Nelson Mandela 242. Congo. Tout ce qu'il y a de plus humain, mais la majuscule à H d'humanité. Chien tolérance zéro. Quand l'uniforme devient une menace, ma sécurité s'arme d'outrage. Moi là-bas ma boulou, Black a.k.a. Chaco Amaru. Seul le ciel stoppera ma route. Et si ma liberté gêne, yopé, m'boula ma magou. La rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh, la rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh, la rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh, la rose noire pousse dans la banlieue de Paris. Au cœur des émeutes, tous ensemble tu paries. Que la rose noire pousse de Brazza à Paris. Et oh,